20 ans au front et nous vaincrons. 20 ans au front où nous périrons. 20 ans au front pour l'Occident. 20 ans au front en avant. Va-t'en au front, où nous